Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Ben, on va parler évidemment de l'Avalanche du Colorado hier, qui ont remporté une victoire de 5-2 sur les Panthers de la Floride. Samuel Girard de Roberval a amassé une passe dans la partie et a joué 17 minutes 46 dans la rencontre. Hier, c'était le début également d'un gros tournoi de hockey scolaire à Roberval. D'abord en cadet division 2. Un gain du Bleu et Or d'Arvida 4-1 sur l'école Cardinal Leroy. L'Académie des Estacades ont défait l'école secondaire Saint-Gabriel 3-1. Un gain de l'école secondaire du Chêne de Bleu 4-1 sur l'Académie Sainte-Thérèse. 9-0, un triomphe pour le Collège Estable-Blondin contre l'école secondaire du Triolet. Et les Aigles de Roberval ont défait le Collège Bourget par le pointage de 4-3, pardon. Et en juvénile division 2, il y avait deux matchs et la cité étudiante de Roberval a défait le collège Esther-Blondin 2-1 et gain du Bleu et Or d'Arvida 5-0 sur le séminaire Saint-François. Ligue simple lettre du Saguenay-Lac-Saint-Jean en Midget B au cours des derniers jours, il y avait des matchs. D'abord, les écoliers de Lac-Saint-Jean ont défait la Marcos Pop de Saint-Félicien 4-2 et un gain également pour le Marcos Pop de Saint-Félicien 6-4 sur les Aiglons d'Alma. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Jeff Baker, journaliste au Seattle Times. On parle de l'arrivée de la nouvelle équipe de Seattle dans la Ligue nationale de hockey. Et Mathieu Garon vient nous faire la chronique de la Ligue du Lac-au-Fleuve. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.